On va parler de Bootcamp avec notre ami Richard Bello. C'est finalement la première édition du Bootcamp à Dolboom. C'est une grosse, grosse, grosse activité. On en parle avec Richard Bello. Salut Richard. Salut Daniel. Très, très grosse activité à Dolboom. La dernière fois, comme j'ai toujours dit, c'était les hommes forts. La dernière fois qu'on a vu autant de monde à Dolbo. Là, t'es rendu avec combien de monde, là? 1500 inscriptions. 1500 inscriptions, c'était 3000 au début. Est-ce que dans le fond, c'était peut-être un peu gros, peut-être comme objectif, ou c'était quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un objectif qu'on s'était fixé qui était ambitieux, oui. Oui, OK. Mais qu'on ait 1500 inscriptions, c'est quand même, bon, là. T'aurais eu 500 personnes, puis ça aurait été très bon, là. Regarde, je pense que c'est. Et puis ça vient de où? D'un peu partout, j'imagine? Oui, un peu partout, principalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, okay. De Dolbeau-Missassi, les environs, mais on a quand même du monde de l'extérieur, de Québec, de Montréal, du Nouveau-Brunswick. OK. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le bootcamp, comme moi qui est un néophyte, là, comment ça fonctionne? Et c'est quoi les compétitions? C'est une épreuve de 6 km. OK. Au fil du 6 km, on a installé 24 obstacles. Les obstacles peuvent aller des montées avec des cordes, monter sur des filets, ça peut être des glissades, ça peut être de ramper, de transporter des choses. Il y a 25 obstacles durant le 6 km de course. OK, OK. C'est-tu un peu comme Fort Boyard? Tu sais, l'émission Fort Boyard, ça ressemble-tu à ça un peu? Parce qu'il y a pas mal des épreuves comme ça, là. Oui, on peut dire que les épreuves ressemblent un petit peu, mais la comparaison s'arrête juste au niveau des obstacles. Il n'y a pas personne qui va vous donner une ligne et les a fait de même. Non, je sais. Pour une course. Oui. Probablement que c'est des meilleurs athlètes que Fort Boyard. Fort Boyard, il y a le freak show, là. Il y a le show aussi qu'il faut voir, vous mettre en perspective. Mais quand même, là. Et ça, c'est des gens qui viennent d'un peu partout, hein, parce que c'est un championnat, c'est une espèce de championnat aussi, hein. Parce qu'il y a quatre épreuves, si je m'abuse. C'est ça? Oui, il y a quatre événements. C'est pas des épreuves, c'est des événements parce que il n'y a pas de classement à la fin. Okay, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de dernier. Il y a juste des braves qui l'ont complété. Des braves, des féminins et masculins et les enfants. Il n'y a pas de rien d'autre. Il n'y aura pas de meilleur 1, 2, 3, ça c'est vraiment là. On décolle, on fait notre course dans le temps que ça nous prend pour le temps. On s'amuse, on la fait, puis on la complète, puis on est heureux. Donc il n'y a pas de gagnant, puis il n'y a pas de perdant, puis il n'y a pas de bourse, c'est ça? Exactement. OK, OK. Il y a tout le monde qui sont gagnants parce que les gens se sont amusés, on a fait de l'activité physique, puis on l'a fait en famille ou entre amis. OK. Dis-moi maintenant, j'imagine que le parcours est déjà préparé à Domiski pour ça, là. Donc, est-ce que c'est beaucoup d'organisation pour la Domiski, pour toi? C'est beaucoup d'organisation. On est présentement à 90% du parcours de fait, des obstacles de montée. Okay. On travaille, depuis cette semaine, on travaille là, du matin de 8h jusqu'à 8h le soir avec une équipe de 12 personnes présentes. OK, OK. Donc, donc les épreuves vont commencer à quel moment? Samedi matin à 9h. Samedi matin à 9h. Ça va être là dimanche aussi, hein? Non, juste le samedi. Ah, juste le samedi, OK. Pour se terminer à quelle heure? Juste le samedi. Le dernier départ est à 2h30. Ça va finir vers l'heure du souper, vers du sapin. Puis là, j'imagine qu'il y a un souper après ça où les gens vont fraterniser. C'est ça? Exactement. On a de la restauration ici. On va avoir de la bière à vendre, une petite restauration, des breuvages. On demande aux gens d'encourager. Tout ce qui est vendu, tout ce qui est ramassé vient au club d'haltérophilie Dominard ainsi qu'à Domiski. OK. Donc, j'aimerais que tu me parles aussi du parcours. Les gens, là, j'imagine qu'ils ont vu ça, là, les organisateurs de la Domiski et ainsi de suite, les du bootcamp. Comment que la Domiski est perçue par ces organisateurs-là? On est très bien perçus par les organisateurs de Just Run. On est même peut-être en négociation pour peut-être annoncer l'an prochain aussi. On est une équipe, ils nous trouvent une équipe formidable, dynamique, crinquée, puis, excusez-moi le terme, un peu fou sur les bords. Ben, c'est bien tant mieux, puis félicitations. C'est juste plate qu'ils annoncent de la pluie, là. Ça, ils annoncent de la pluie toute la fin de semaine. Donc, les gens qui veulent voir ça, j'imagine, est-ce que c'est accessible pour le monde? C'est-tu? Parce que des fois, il y a des disciplines que c'est bien le fun, mais pour les spectateurs, là, c'est pas toujours le côté visuel qui est agréable. Est-ce que ça va être des épreuves que pour les amateurs qui vont se planter à Domiski vont pouvoir le voir? Oui, tous les visiteurs et les participants, eux, doivent aller au l'ancien stationnement du Festival Western. On va avoir un service de navette pour eux. Mm. Ensuite de ça, sur le site, là, on peut facilement voir les compétiteurs là, au moins là, pendant un gros 30 minutes. OK. Donc... il y a des obstacles finaux et devant les gens. On a la traversée du marais que les gens peuvent se présenter. On a le kiosque que les gens peuvent voir. La glissade infernale, comme je vous dis, venez voir, puis vous allez pouvoir voir en plus. OK. Donc, et le prix d'entrée, est-ce un prix d'entrée? Aucun prix d'entrée. OK, donc ça va être très agréable. Donc, Richard, on s'en reparle lundi pour le bilan de tout ça. Et moi, je voudrais te féliciter. Moi, le bootcamp, ça me dit pas grand-chose, je vais te dire bien franchement, mais juste le fait que tu emmènes 1500 personnes à Dolbeau Mistassini, c'est extraordinaire. Ça dynamise le milieu. Puis c'est une belle activité. Puis je me permets de te féliciter, toi et ton organisation. Puis je t'invite personnellement samedi à te présenter avec des espadrilles, des shorts, ton t-shirt prêt pour sortir la course. Je t'invite personnellement. Ben, mais je suis bien meilleur de la gueule que d'autres choses. Fait que ça. Ouais, mais là, c'est le temps. C'est le temps de partir à courir. Je t'invite personnellement, puis c'est moi qui s'occupe de toi. Puis je t'invite à faire le tour. Ben, on va y aller, Richard, puis au plaisir de se reparler. Peut-être aller voir ça, mais pas, je te jure, pas de compétition pareil. Fait que Richard, on s'en reparle, puis. Hey, en passant, Richard, Alexandre, puis Shane, est-ce que tu es su un petit peu? Oui, j'y suis. Je le reparle un petit peu par Messenger, par Facebook. J'y suis un petit peu. Je leur pose des questions, puis ils me répondent. C'est pas mal le fun de voir ça. Hein? Je veux dire, là, on sait pas si Shane, son poste est assuré à Winnipeg. J'ai su qu'il était menacé, mais peu importe. Alexandre, semble-t-il qu'il y a des bonnes chances qu'il reste à Calgary. C'est quand même le fun pareil. C'est le fun, puis pour une petite communauté comme le nôtre, c'est extrêmement le fun. Puis il faut continuer de les encourager. Puis dans ce monde de football-là, quand tu es rendu professionnel, il n'y a plus jamais de poste d'assuré. Hein. On peut être le meilleur une année, puis on peut être sans contrat l'année d'après. C'est pas la NFL, mais regarde, on a le droit d'être fier un peu. Ben, Richard, on s'en reparle bientôt. Parfait, merci. Richard Belleau, du bout de